L'innocence à Paris de Jean Mercier, enregistré pour LibriVox.org. À l'une des barrières de la ville aux splendeurs, Rose dans ses prières sentait couler ses pleurs. On l'a dit sans compagne et partant sans avis. Personne n'accompagne l'innocence à Paris. Si fraîche, si jolie, dans ce brillant séjour, le monde se rallie en voyant cet amour dans son regard timide, son pain, les noirs soucis. Que fera sans un guide l'innocence à Paris? L'orpheline attristée que poursuit le destin était déconcertée dans son profond chagrin. Elle est dans l'équipage d'un de nos bons marquis qui protège, je gage, l'innocence à Paris. Où suis-je, dit Rosette, au maître du château? Elle était la pauvrette dans un monde nouveau. Ce somptueux domaine lui semble un paradis où peut vivre sans peine l'innocence à Paris. Elle devient savante par des soins généreux. Sa douce voix enchante, dès l'on est amoureux. Chacun dit, c'est un ange du céleste lambris. Voyez comme elle change l'innocence à Paris. Enfin le jour arrive de choisir un époux. Rosinette craintive implora de genoux. Elle veut rester pure au sein de ses amis. Elle est rare, je jure, l'innocence à Paris. Fin du poème, enregistré par Ezoie en Belgique en octobre 2016.